L'original de la bande, épisode 5, tout l'argent du monde et le talent. Oh, tu aimes ça la musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Mais vous êtes un original. Je préfère original à anormal. Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'original de la bande, le podcast qui vous fera entendre raison sur les musiques de films rares, mal considérées et parfois même détestées. Je suis Alexis, votre serviteur à toute heure, que vous écoutiez cet épisode de deux jours comme de nuit. Je vous souhaite une bonne année 2019 avec ce premier volet d'une trilogie consacrée au compositeur Daniel Pemberton. Après cela, vous ne pourrez plus ignorer le talent indéniable de ce garçon avec lequel nous allons commencer, comme le veut la règle de ce podcast, par un film passé injustement inaperçu. Je parle bien sûr de Tout l'argent du monde de Ridley Scott. Thank you. Soyez les bienvenus à Rome 1973, ce morceau ouvrant tout l'argent du monde avec le thème principal soigneusement mêlé de bandoneon et de mandoline, une vision volontairement pittoresque de la capitale italienne pour mieux casser ensuite cette image d'Épinal si chère à un public américain lorsque commence l'histoire de ce célèbre enlèvement. Ridley Scott tombera sur ce scénario fin 2016 et mettra en veille ses 30 000 autres projets en cours pour transposer celui-ci à l'écran. Une chance pour le scénariste David Scarpa, qui devait traîner depuis un moment avec cette histoire sous le bras, car il comptait jusque-là dans sa carrière de scénariste celui du remake du Jour où la Terre s'arrêta et celui du Dernier Château avec Robert Redford. Tout l'argent du monde fut mal considéré, vu comme un Ridley Scott mineur, sans doute cela est dû à sa date de sortie, chez nous un mercredi 27 décembre 2017, mais idéal pour figurer aux Oscars. L'argent du monde est donc le récit de l'enlèvement en 1973 du petit-fils du milliardaire John Paul Getty et dont les ravisseurs exigent 17 millions de dollars pour sa libération. En investissant dans le désert saoudien qui n'était pas encore cette ressource considérable de pétrole, le vieux Getty serait le premier individu dont la fortune aurait atteint le milliard de dollars. Incarné par Christopher Plummer à l'écran, son personnage est autant un misanthrope qu'un misogyne notoire. Pour lui, tout a un prix, y compris la vie humaine. Dans son délire, il s'imagine sincèrement être la résurrection de l'empereur romain Hadrien, d'où le titre de l'extrait suivant, baroquement glacial, Hadrien's Villa, qui illustre parfaitement l'ambiance lugubre et malsaine qui règne en sa demeure, mais démontre tout autant le talent de compositeur de Daniel Pemberton. Oh! Il s'agit ici de la deuxième collaboration entre le compositeur et Ridley Scott, la première remontant à 2013 pour Cartel, alias The Counselor. Ce fut grâce à ce film que le compositeur anglais a pu s'ouvrir les portes d'Hollywood et démontrer toute l'étendue de son talent. Ce qui n'est pas forcément aisé avec un Ridley Scott très rapide et versatile dans son montage, avec lequel d'autres musiciens moins réactifs se sont confrontés. Daniel Pemberton a depuis signé des dizaines de bandes originales pour le cinéma, mais également pour la télévision. Et on lui doit plus récemment celle du génialement folding Spider-Man New Generation. Il s'adapte parfaitement à chaque nouveau projet, pour nous proposer un style musical complètement différent et en parfaite adéquation. Il n'y a qu'à comparer ces deux travaux pour Ridley Scott, pour comparer le grand écart de style effectué par le compositeur. Ou là encore, avec cette prochaine reprise du thème principal de Tout l'argent du monde, cette sinistre valse à laquelle il ajoute du clavecin, pour insister encore plus sur l'aliénation royale de John Paul Getty, et dont l'interprétation fut sujette à controverse. Une histoire encore plus fascinante que celle que raconte le film est celle du tournage en lui-même, ou plutôt du retournage. Suite aux retombées de l'affaire Weinstein et Me Too en octobre 2017, l'acteur Kevin Spacey, redevenu mégastar avec House of Cards, tombe dans l'opprobre. Ses comportements plus qu'inappropriés sur et en dehors des tournages éclatent au grand jour, malheureusement en plein début de promo de Tout l'argent du monde. Initialement, Spacey était ce fameux John Paul Getty à l'écran, et la toute première bande-annonce fait état de la présence de l'acteur, recouvert de 40 couches de maquillage pour le vieillir. Les fautes d'un seul risquaient de mettre en péril la route vers le succès du film en salle et aux Oscars. 47 jours avant la sortie prévue, la décision fut prise par Ridley Scott et ses équipes de retourner toutes les scènes du film avec le milliardaire antipathique, en le remplaçant par un autre acteur, Christopher Plummer. Fort de son expérience, Scott releva le défi avec brio et reprit le tournage le 22 novembre 2017 pour refaire en 8 jours les 22 scènes en question et finir le film à temps. Kevin Spacey disparaît définitivement de l'affiche et deviendra même l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom durant toute la promotion de Tout l'argent du monde. « Tout l'argent du monde est donc un film à découvrir, aussi pour son aspect féministe et pas seulement opportuniste compte tenu de son contexte de sortie, avec la mère du kidnappé excellemment tenue par Michelle Williams. Parmi tous ces hommes castés pour la première fois devant sa caméra, Christopher Plummer, Romain Duris ou Mark Wahlberg, Ridley Scott fait d'elle son personnage principal qui doit en permanence se justifier de ses actes face à des hommes profondément égoïstes et qui la prennent de haut. Son duel au sommet étant évidemment avec son beau-père, qui désire même faire de son petit-fils son héritier, modelé à son image. Mais cette mère, prête à tout sacrifier pour retrouver son enfant, sera la seule à lui tenir tête, insistant notamment à garder ses distances avec ce nom des Getty, synonyme d'argent corrupteur des valeurs humaines essentielles à une saine famille. Sur ces dernières notes, je ne peux que vous recommander bien sûr de vous procurer ces sons d'exception de manière tout à fait légale. Merci à vous d'avoir écouté ce 5e épisode. Le podcast L'Original de la Bande est à retrouver sur tous les réseaux de tous les internets. ODLB Podcast tout attaché. Rendez-vous dans une quinzaine avec le deuxième volet de cette trilogie spéciale Daniel Pemberton qui abordera le film, mais surtout la bande originale de la version très décriée de la légende du roi Arthur par Guy Ritchie. D'ici là, gardez les oreilles grandes ouvertes.